le temps passé, j'aimerais qu'il s'arrête. Pour revivre tout ce qu'on a déjà vécu, sans toi c'est pas pareil. De toutes celles que j'avais à mes côtés, t'es la seule qui restait vraie. Même si demain je m'en vais au bout du monde, sans toi c'est pas la même. Ensemble on a traversé des tempêtes. Pour toi je pourrais aller à la guerre. Ton pied, mon pied, ça bougera jamais. T'as soigné toutes mes blessures quand j'avais le cœur en peine. La famille, je te rassure, c'est pas belle, même sans dents. Quatre problèmes, foncer dans un mur, jamais je te laisse. Celui qui dira du mal de toi, je le blesse. Et si t'es en galère, t'inquiète, je gère. Je serai devant ta porte, toc, toc, toc. Je parle pas chinois, moi je parle pas latin. Des mauvaises graines, faut que tu les bloques, bloques, bloques. Minimum, savoir stopper tout leur baratin. Ensemble, on a traversé.